cours de l'histoire. Perrine Guervran. Ce sont des petits cadres de bois vernis noir. Souvent, ils tiennent dans la main. Ils encerclent un verre bombé sous lequel se déploient et s'entrecroisent des fleurs noires ou brunes et des initiales. Parfois, il y a aussi une date. Ce sont des reliquaires faits avec les cheveux des morts dont on veut garder un souvenir auprès de soi, comme un petit morceau du cher disparu. Mais parfois, de ces cheveux, on s'en fait même un collier ou une chaîne de montre pour l'avoir tout contre soi et pouvoir le toucher. Ces bijoux iront avec la laine noire du grand deuil, avec la garde-robe semée de blanc du demi-deuil et prendront le relais quand on pourra de nouveau porter des robes fleuries. Ils seront une trace palpable de ceux qui ont disparu. La mort s'accompagne souvent d'usages très codifiés, il y en a qu'on a oubliés, d'autres qui désormais nous dérangent. Alors aujourd'hui, on va se demander dans le cours de l'histoire comment on a porté le deuil et pour dire quoi. Elle était en noir. En noir ou en blanc? Qui est cette femme? En blanc? En noir? Qui est cette étrange femme en fuite? En danger? En colère. En détresse. Une femme en noir et cinq hommes. Valérie Albag, bonjour. Alors vous êtes doctorante en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université de Franche-Comté. Votre thèse porte sur le vestiaire du deuil entre 1870 et 1914. Alors en ce qui nous concerne, la couleur du deuil c'est encore le noir, mais on voit que dans cette bande-annonce du film de Truffaut en 1968, c'est avec cette évidence qu'on joue du noir ou du blanc. Alors à vous lire, au 19e siècle et même avant, c'est quand même bien plus compliqué que ça, ces histoires de couleur du deuil. Oui, effectivement, tout est très réglementé. L'épisode qui suit le décès d'un proche est soumis à des codes de comportement très réglés au 19e jusque dans les premières décennies du 20e siècle. Donc des codes qui dictent la conduite à tenir, les vêtements qu'il faut porter et la durée pendant laquelle l'endeuillé doit afficher sa perte, sans égard vraiment pour les phases intimes du chagrin ou la réalité des relations. Et alors, quelles sont les couleurs du deuil? Est-ce que c'est le noir? Est-ce que ce sont d'autres couleurs? Alors, ça dépend de la période du deuil. Donc, tout est très organisé par un calendrier, vraiment soumis, une soumission au temps assez forte. Donc, tout dépend aussi du degré de relation qu'on a avec le défunt. Donc le deuil est porté il est divisé en trois périodes qu'on nomme donc le grand deuil, le petit deuil ou le deuil ordinaire ou le demi-deuil dans une gradation décroissante dont l'application se calcule donc sur le degré de parenté avec le défunt, soit en phase successive, soit partiellement pour un parent plus éloigné. Donc dans la première phase du deuil, dans le grand deuil, on porte du noir uniquement. Il faut que la matière soit, enfin que les tissus soient mats. Donc en fait, on porte de la laine uniquement avec des garnitures de crêpes, de crêpes gaufrées. Ensuite, pour le deuil ordinaire, le blanc commence à être autorisé, le blanc un petit peu de gris, et progressivement jusqu'à la fin du deuil, donc la dernière période de demi-deuil, on autorise le violet et ses dérivés, le mauve ou le parme. Oui, d'ailleurs, on a vu hein, que la reine Elisabeth arborait tout un tas de robes mauves parmes voilà, récemment. Alors, vous venez de faire paraître, hein, Valérie Albag, un très beau et très poétique article intitulé « Plafond gris bleu clair, 6 mois de deuil », donc sur l'étiquette du deuil dans la revue Sensibilité aux éditions Anna Moza. Alors, d'où vient ce titre étrange et puis sur quelle source est-ce que vous avez travaillé? Les textes normatifs sur lesquels on peut s'appuyer sont différents, sont issus de différents genres. Donc il y a les manuels de savoir-vivre, donc qui indiquent, qui ont souvent un chapitre relatif à cette période, donc qui redonne les durées selon le degré de parenté. Avec le défunt, mais l'article s'est appuyé essentiellement sur la presse de mode, qui elle va au-delà juste de ces explications sur les durées du deuil, et pour vraiment en décrire très précisément les toilettes. Oui, sur la question du titre, parce que c'est vrai que ce titre est surprenant, plafond gris, bleu clair, 6 mois de deuil, il y a comme ça comme une espèce de collusion. Le titre peut effectivement interpeller. Il s'agit, donc l'article se base essentiellement C'est un courrier des lecteurs, en fait, c'est ça ? Sur les courriers des lecteurs et la façon dont il est traité, qui interpelle un petit peu, surtout pour sur le lecteur actuel, où on voit vraiment les questions des usagers, donc des lectrices, qui sont... Alors là, par rapport à ce rituel, donc on demande... Alors, il y a des moments où voilà, comme on est à distance, c'est toujours un peu compliqué. Donc il y a des moments où on vous entend moins. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce qui est intéressant, enfin pas intéressant, tout est intéressant dans cet article, mais ce qui est amusant dans ce titre, c'est que finalement, on voit que vous avez travaillé sur le courrier des lectrices qui pose des questions, mais tout un tas de sortes de questions, et que les réponses qu'elles reçoivent sont imprimées dans ces magazines. Et ces réponses, en fait, sont mises bout à bout. Donc, ça donne des choses. Je vais en lire un exemple parce que c'est quand même assez incroyable. Ça donne, par exemple, en noir pendant 6 semaines, en gris et noir pendant 6 autres semaines, un peu de sauce tomate ou bien une imperceptible dose de safran dont le goût n'est point sensible quand la dose est insignifiante, ou enfin un roux. Ou alors dans un autre extrait, deuil de sœur, 6 mois, si ce moyen existait, la calvitie n'existerait pas et les cheveux ne blanchiraient jamais, on enlève les taches d'eau sur un meuble ciré en les frottant avec un bouchon de liège. Donc on comprend qu'en fait cette lectrice a posé 3 questions, comment je fais pour le deuil d'une sœur, qu'est-ce que je vais faire pour la calvitie de mon mari et comment je vais régler mon problème de taches d'eau sur ma commode. Et les réponses comme ça sont mises bout à bout, ce qui donne une espèce de texte très poétique, et on sent que vous avez été sensible à cette poésie, Valérie Halbach. Oui, voilà, on observe vraiment un traitement très très pratique, même prosaïque et très matériel du deuil, qui est effectivement, enfin, qui relève donc de la bienséance et d'une organisation domestique. Donc, on peut parler effectivement de décoration intérieure, de demander des conseils sur la couleur qui serait le mieux pour peindre son salon, et puis en même temps d'interroger sur ce qu'il faut porter quand on vient de perdre son père. Donc, ce qui est effectivement assez étonnant, oui. Alors, par qui et par quoi le port du deuil est alors codifié au départ ? Parce qu'on voit, donc, il y a des textes, vous l'avez dit, dans les manuels de savoir-vivre, dans la presse. On en trouve aussi dans des réclames, des almanachs. Mais alors, d'où est-ce qu'on tire ces informations détaillées ? Quelle est l'origine de ces codifications ? Alors, les codes ne relèvent pas vraiment de textes officiels. Hein, il ne s'agit pas de lois, mais sont vraiment des convenances, donc qui se répètent sans toujours se répéter à l'identique. Il y a beaucoup de nuances. Donc, on imagine aussi le désarroi de gens qui veulent absolument respecter ces règles. Donc, vous l'avez dit, on en a parlé, il y a les manuels de savoir-vivre, la presse de mode et les guides, donc, qui sont édités par des magasins qui fournissent les vêtements et les accessoires du deuil. Mais alors, est-ce que ça repose finalement tous ces usages sur... alors, est-ce que ce sont de textes très anciens, finalement, qui sont réécrits, remaniés, ou est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille ? Est-ce que c'est plutôt peut-être de la superstition ? Sur quoi ça repose finalement tous ces usages ? Sur des codes de vivre ensemble. Alors, les manuels de savoir-vivre, effectivement, sont réédités régulièrement. La presse de mode, elle est un peu plus dans une forme d'actualité, d'esprit pratique. Oui, alors peut-être on va écouter une archive de 1961 qui donne quelques indices sur d'autres raisons du port de ces tenues de deuil. La prise en charge des activités fondamentales par le voisinage s'accompagne d'une sorte d'élimination de la famille qui pourrait à la limite être assimilée à une véritable mise en quarantaine. Une telle pratique doit certainement être le signe du besoin de protection ressenti par le groupe social devant la contagion de la mort. Ainsi que l'a montré Robert Hertz dans son article sur la représentation collective de la mort, la période de deuil correspond à la durée de la décomposition du corps. L'impureté du mort est projetée sur les parents eux-mêmes et un véritable tabou d'impureté frappe les parents obligés de se cacher. Du moins est-ce ce qui se passe clairement dans nombre de sociétés primitives étudiées par Hertz. N'est-ce pas un phénomène de ce genre qui intervient dans la relative mise en quarantaine de la famille où règne la contagion de la mort dans nombre de pratiques rurales? On peut se demander également si la période qui suit le deuil proprement dit, période durant laquelle il est coutumier de se vêtir de noir, ne possède pas une signification de ce genre. Quoique des significations morales en camouflent les significations magiques, il est clair que le noir signale, isole. Manuel Charpie, bonjour. Alors, vous êtes chargé de recherche au CNRS, directeur d'INVISU, un laboratoire CNRS-INHA, spécialiste en histoire de la culture matérielle. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la question du deuil. Alors, on vient de l'entendre dans cette archive de 1961. On fait beaucoup d'hypothèses quant à savoir ce qui relève de quoi dans la question du deuil, pourquoi on porte du noir, et puis pourquoi des durées aussi longues. Est-ce que ça relève de l'hygiène? Est-ce qu'il y a des superstitions? Est-ce que c'est une durée imaginée pour ne pas contaminer, pour rester éloigné des autres? Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les origines de tous ces usages étranges du deuil? Alors, je ne sais pas si je me lancerai dans une lecture depuis les origines. Et, les origines, de la nuit des temps. Voilà. non, on vient d'entendre une lecture, un essai de lecture anthropologique du deuil. Ce qui est frappant, et Valérie Halbach l'a très bien dit, au 19e siècle et une partie du 20e siècle, c'est la tension entre une expérience très intime, en tout cas qu'on pense de plus en plus comme une expérience intime, et qu'on va, au cours du XXe siècle, complètement personnaliser, une codification sociale assez arbitraire, en fait, peut-être pour... c'est peut-être ça la réponse, c'est pas une pirouette, c'est que finalement c'est un code, on devine bien que ça pourrait être, si c'est 3 mois pour une nièce, ça pourrait être 4 mois, la question n'est pas vraiment là. La question c'est qu'il y a un code partagé, qu'on diffuse, et puis comme l'a bien dit aussi Valérie Halbach, tout ça est soutenu aussi par une industrie, une production de la mode qui s'organise autour de ça. Là pareil, je vais reprendre ce que disait Valérie et ce qu'elle a pu écrire. Ce sont beaucoup les magasins de mode qui produisent les codes, qui les soutiennent. Ce sont eux qui proposent de faire le deuil en 24 heures, c'est-à-dire de fournir à domicile, enfin notamment à domicile, tous ces vêtements. Donc voilà, il y a une sorte de codification qui se met en place et qui fait effectivement le côté... comique en quelque sorte de la lecture de ces codes, c'est ce télescopage entre l'intime et l'hypercodification, alors qu'a priori, autant on peut rire de la mort, c'est même nécessaire sans doute, autant rire du deuil, a priori, non. Effectivement, quand on lit ces manuels du 19e siècle, cette hypercodification jusque dans le détail des bijoux, etc., est assez troublante. Je voulais aussi ajouter que c'est un deuil, expansif en quelque sorte. On doit porter le deuil, donc c'est une expérience personnelle et intime. On doit le vivre chez soi aussi. Mais entre les deux, on le fait porter. Il faut aussi, c'est vraiment une obligation sociale. Et je pense notamment aux domestiques et aux concierges. On oblige les deux, enfin c'est vraiment noté partout et on le trouve dans les archives. On fait porter le deuil aux domestiques et aux concierges qui sont assimilés à des domestiques. Donc on imagine dans un immeuble de rapport, quand il y a une dizaine de familles qui vivent, si le concierge doit porter le deuil de toutes les familles, qui passe un peu son temps lui-même en deuil. Donc c'est une expérience à la fois très intime et en même temps très très très sociale. « Je fus surpris qu'à ce moment où ma grand-mère était si mal, Françoise disparut à tout moment. C'était qu'elle s'était commandé une toilette de deuil et ne voulait pas faire attendre la couturière. Dans la vie de la plupart des femmes, tout, même le plus grand chagrin, aboutit à une question d'essayage. Quelques jours plus tard, comme je dormais, ma mère vint m'appeler au milieu de la nuit, avec les douces attentions que l'on a dans les grandes circonstances. La vie, en se retirant, venait d'emporter les désillusions de la vie. Un sourire semblait posé sur les lèvres de ma grand-mère. Sur ce lit funèbre, la mort, comme le sculpteur du Moyen-Âge, l'avait couchée sous l'apparence d'une jeune fille. Alors Valérie Halbach, là on vient d'entendre effectivement que tous les domestiques sont sommés de s'occuper en même temps de l'agonie de leur patron, mais aussi de se fournir une tenue de deuil, probablement à leurs frais, pour l'enterrement de ceux qui les emploient. Alors si on retourne un peu en arrière, dans votre article vous parlez aussi de choses, de réglementations autour du deuil. Par exemple, au XVIIIe siècle, on a réduit le temps du deuil. Et ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on trouve des mentions de ces obligations liées au deuil dans le Code civil. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de, à la fois de cette réduction du temps de deuil et du fait qu'on retrouve le deuil jusque dans le Code civil ? Alors, en effet, au XVIIIe siècle, en 1716 puis en 1730, deux ordonnances royales ont réduit la durée du deuil. Donc, c'est une période où encore le deuil est soumis à une ordonnance, à un texte officiel, ce qui peut rester de vestiges peut-être au XIXe du deuil et du port du deuil inscrit dans une règle, dans une loi, c'est effectivement... Oui, finalement, c'est la question de l'obligation, c'est-à-dire que on doit marquer le respect aux ancêtres. C'est aussi tout ça qui est dans cette réglementation. Oui, voilà, donc cette survivance de prescription qui est inscrite dans les deux articles du Code civil qui reprennent donc l'obligation d'ancien régime de porter le deuil de son mari et qui soulignent l'obligation des héritiers de prendre à leur charge les frais d'habillement. Et alors pourquoi est-ce qu'on a réduit le temps du deuil, Valérie Halbach ? Quelle était la raison au XVIIIe siècle ? C'est une raison assez marchande, hein, puisque ça interrompt un petit peu le commerce des étoffes, d'obliger à réduire le vestiaire à un vestiaire de deuil. Oui, effectivement, on voit, on s'imagine en tout cas que si on doit porter le deuil pendant 6 mois, arrêter de travailler pendant 6 mois, effectivement, économiquement, ça peut être quelque chose de très compliqué. À en juger d'après les questions singulières qui nous sont constamment posées, tant de personnes semblent ignorer les règles les plus élémentaires du deuil, que nous croyons utile de revenir encore une fois sur ce sujet déjà si souvent traité. D'ailleurs, la mélancolie du mois qui commence et dont les premiers jours sont précisément consacrés au souvenir de ceux qui ne sont plus, en fait presque une actualité. C'est le cœur, bien plus que l'usage, qui doit en réalité fixer la durée du deuil. Et les grandes douleurs n'ont point coutume de s'inquiéter sur ce point de ce que l'étiquette impose, autorise ou défend. Les indications que nous allons donner s'adressent donc à celles de nos lectrices qui, pour des motifs que nous n'avons point à apprécier, désirent observer strictement les convenances et, tout en faisant leur devoir, ne point l'outrepasser. Le deuil de veuve est le plus long et le plus sévère. Le terme qu'on lui assigne est de 2 années, qui comprennent 3 périodes. 1 an de grand deuil, 6 mois de deuil léger, 6 mois de demi-deuil. Mais si l'on n'a aucun motif sérieux pour abréger la durée du deuil, il est infiniment plus convenable de le prolonger pendant 3 années, dont chacune correspond alors aux périodes indiquées. Alors on pense bien sûr, là, le deuil de 2 ans pour une veuve, on pense à d'autres cas extrêmes. Je crois que la reine Victoria a porté le deuil entre 1861 et 1901, donc là vraiment sa fidélité était exemplaire. Alors, Valérie Halbach, ce qu'on comprend en lisant, en écoutant ce texte et puis en lisant votre article, c'est qu'en fait, tout le monde ne maîtrise pas les codes du deuil, que les gens se mélangent les crayons, qu'ils ne savent pas combien de temps, comment. Et ça montre aussi finalement qu'il y a quelque chose de très social dans cette question du port du deuil, que tout le monde n'est pas à égalité devant ces codes. Oui, en effet, l'extrait que vous avez choisi est assez intéressant. Alors déjà, d'une part, il a été publié en novembre, à l'époque du jour des morts, donc le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint. Ces codes du deuil sont abordés dans les journaux tout au long de l'année, mais c'est vraiment une période qui est l'occasion d'une recrudescence d'articles sur le sujet. C'est un peu le marronnier de la presse de mode au tournant du siècle. Donc là, le journal souligne la demande faite par son lectorat, ces questions qui sont constamment posées sur les règles du deuil, donc cette inquiétude du public qui cherche un référent pour ajuster son comportement social, pour bien faire. Et donc on mentionne souvent ces questions et la rédactrice de la mode illustrée s'en agace même souvent d'avoir à répéter tout ce code. Et le texte souligne aussi une chose intéressante, c'est ce conflit entre la douleur personnelle et la règle de convenance qui impose une durée pour sa peine. Le sentiment que maître du temps du deuil, on peut dire, hein, c'est une idée qui vient contredire l'idée même d'un code qui prescrit les durées. Là, je crois qu'on indique une durée qui va même jusqu'à 3 ans, ce qui est assez long. Hein. Souvent, on parle d'un an et 6 semaines jusqu'à 2 ans. Et il faut aussi souligner donc, que ce texte est publié dans la rubrique mode du journal. Donc, il livre ensuite une description assez minutieuse de la toilette de deuil, comment on porte le voile, comment on le rabat sur le visage au début du deuil, puis on le rejette en arrière, quelle étoffe on emploie. Donc on parle du cachemire de l'Inde, de la vigogne, de la zibeline, comment se porte le crêpe, comment on l'applique, et aussi tous les accessoires de la toilette. La mort a ses petits avantages, on sait comment ça se passe de l'autre côté. Et on sait le pourquoi de la vie. Elle semble plutôt inutile. Oui, je sais. Les vivants ne peuvent pas l'apprécier. France Culture, le cours de l'histoire, Perrine Guervrand. Les objets exposés dans cette vitrine sont tous précieux. Les noms de leurs propriétaires appartiennent à l'histoire. La reine Marie-Antoinette, l'impératrice Eugénie, la belle Othéro. Mais il faut un œil très perçant, ou même une loupe, pour se rendre compte que ces colliers et ces bracelets sont faits de cheveux humains. La finesse de cette orfèvrerie capillaire nous fait regretter que notre époque moderne ne puisse plus se payer le luxe de cet art oublié. Les premiers bijoux sentimentaux datent du XVIIIe siècle. Au milieu du XVIIIe siècle, on faisait déjà des bagues avec des petites mèches de cheveux représentant un arbre, un saule pleureur, quelque chose de romantique. On avait aussi des petites bagues avec les initiales de l'élu de son cœur. On mettait bien sûr des mèches de cheveux dans des médaillons. Donc ça existait déjà au XVIIIe siècle. Et puis à la fin du siècle dernier, le bijou en cheveux est considéré comme morbide, horrible, et on abandonne cette mode, mais à ce moment-là, on fait des petits médaillons avec des cheveux, et jusqu'au début du siècle, de ce siècle-ci. Alors Manuel Charpie, vous avez donc travaillé sur les vêtements, sur la culture matérielle, et aussi sur les bibelots, et puis même les bijoux, et là vraiment une spécialité, le bijou de deuil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cet usage dont il est question dans l'archive qu'on vient d'écouter ? Ce qu'on entend à la fois dans cette archive et dans l'archive d'avant, c'est que, on l'a compris, ce sont essentiellement les femmes qui portent le deuil, on leur impose. Pour revenir à la question de tout à l'heure sur la dimension anthropologique du deuil, naturellement, mais sur la codification, il n'y a pas de doute, puisque les veuves doivent porter le deuil deux fois plus longtemps que les veufs. Donc voilà, donc là, ça reprend, les pratiques du deuil reprennent des dissymétries ordinaires dans la société. Oui, et d'ailleurs, justement, pour continuer là-dessus, Manuel Charpie, on sait que le 19e siècle est le meilleur siècle hein, pour les femmes, on ne cesse de le répéter, c'est toujours un plaisir et une surprise à chaque nouveau livre qu'on lit sur le 19e siècle. Mais on voit aussi que dans tous ces usages du deuil, il y a quelque chose qui est très fort au niveau du contrôle social des femmes. Oui, et donc qui va, en quelque sorte, sur toutes les manières de se comporter. Parce que porter un vêtement de deuil, porter des bijoux de deuil, etc., c'est une manière de se comporter. Ce qui est dit dans tous les manuels et puis dans les mémoires, etc., c'est aussi que c'est un moment où on apprend à ne pas parler trop fort, à ne pas sourire de façon indécente, etc. Enfin, donc il y a toute une codification sociale. Et ça va effectivement, pour répondre à votre question sur les bijoux, ça va jusque dans le menu détail. On a des pages et des pages, je vais vous épargner la lecture, mais sur le quel bijou on peut porter, quand, etc. Parce que c'est toujours la même idée qui était relevée par Valérie Elbach tout à l'heure. Il faut des bijoux, mais qui ne brillent pas, qui ne soient pas séduisants, qui ne soient pas indécents, encore moins séduisant, enfin, au sens quasiment érotique de la chose. Il ne faut pas aguicher pendant le deuil. Hein. Donc on est très à cheval sur les décolletés, la profondeur des décolletés, etc. Et sur les bijoux, donc on a effectivement ces bijoux assez spectaculaires, enfin, microscopiques et spectaculaires à la fois, ces bijoux en cheveux, qui se diffusent effectivement au XVIIIe siècle, mais qui, oui, sont encore très courants au XIXe siècle. On peut donc avoir des bagues, beaucoup de bagues et de bracelets globalement, en cheveux tressés, en cheveux entortillés, tricotés, enfin on a tout un tas de techniques. Alors là on a des manuels, il y a un manuel dans les années 1820 qui est écrit, qui doit faire 500 pages à peu près sur toutes les manières de faire ces bijoux. C'est l'idée de évidemment d'avoir les traces imputrescibles du corps, c'est les seuls éléments du corps qu'on peut conserver, donc on va les traiter, les laver, etc. Et qu'on va garder avec soi, c'est vraiment l'idée là de porter le deuil et même de porter, vous voyez, quelque chose du corps de l'autre. On va trouver ça dans des pratiques beaucoup plus personnelles, on peut penser à Hugo, dans le fait de garder des morceaux de vêtements aussi des personnes. Et puis on va aussi faire des bijoux, c'est moins connu, c'est plus rare aussi, mais ou des bijoux, des sortes de reliquats, etc., avec les dents. Donc il y a effectivement une sorte de petite économie comme ça du morbide. Comme c'est très bien dit dans l'extrait, ces pratiques d'objets en cheveux, qui vont devenir aussi des petits médaillons, on fait des petits portraits avec des cheveux collés sur des petits supports d'ivoire, vont petit à petit quand même, mais plutôt à la fin du 19e siècle, être jugés comme un peu morbide, un peu dégoûtant. Enfin voilà, c'est aussi le moment, vous l'avez dit hier, du recul de la mort dans l'espace public. Et donc, on va pas pour autant abandonner, on va en faire des versions pour les intérieurs. Enfin, on va continuer à pratiquer le tableau de cheveux dans les intérieurs. Donc on a comme ça, dans ces pratiques sociales du deuil, des circulations entre l'espace public et l'espace privé qui sont assez fréquentes, en fait. Enfin, une continuité quand même. Emmanuel Charpie, justement, ces bijoux de deuil, alors est-ce que ce sont des ouvrages de dames? Est-ce que ce sont les femmes, les veuves qui les tissent amoureusement et avec patience dans leur salon en attendant que ce deuil infini se termine? Ou est-ce que c'est une industrie? Est-ce que c'est un artisanat? Qui est-ce qui fabrique tous ces bijoux, tous ces tableaux en cheveux? Alors, non, c'est plutôt... Alors, c'est ça, c'est une sorte d'ambiguïté assez propre au 19e siècle. Se sont présentés comme des sortes de bijoux quasi naturels et effectivement qui pourraient complètement être produits dans l'intimité et dans les petits travaux domestiques. En réalité, pas du tout. On a des artistes en cheveux. Alors, ça peut désigner à certains moments les coiffeurs, les artistes en cheveux, mais ça va désigner aussi ceux qui font des tableaux de cheveux. C'est pas une industrie énorme à Paris, mais enfin on en trouve quand même une trentaine au milieu du 19e siècle assez facilement dans Paris. On apporte les cheveux du défunt, de la défunte. Alors, petite précision au passage, on fait aussi des ouvrages en cheveux avec les cheveux de l'enfant, par exemple, comme des souvenirs. Et vous voyez que potentiellement, ça peut devenir un objet de deuil. Ça l'est pas. C'est un objet de souvenir qui peut devenir un objet de deuil. Et donc, non, c'est produit par ces artistes en cheveux. Une partie des bijoutiers se proposent, eux, de fixer les parties, les fermoirs, enfin, la partie or ou argent. Donc, non, il y a plutôt une sorte d'économie. Le commerce du 19e siècle s'adapte. Et on a aussi toute une économie qui va avec des bijoux de deuil. Là, oui, produits quasi industriellement ou par des artisans, puisqu'on a en fait toute une série de matières, ça répond au tissu de noir mat, qui vont être autorisées pendant le deuil. Et on l'a compris, hein, si les femmes... pour leur mari, porte 2 ans de deuil, en fait, il y a un vrai marché. Et puis, 6 mois pour leur tante, etc. etc. Bon. Et donc, on va faire des bijoux en G, c'est un minéral noir mat, de la lignite. On va en faire en bois durci, là, un produit très 19e siècle. C'est un mélange de sciure de palissandre et de sang de bœuf, coagulé, ça fait un très beau noir. Et donc on va avoir beaucoup de bijoux faits dans cette matière, et puis beaucoup de bijoux, et là aussi une sorte d'effet un peu, vous parliez de surréalisme avec les réponses au courrier des lectrices, mais là c'est un peu pareil, avec des bijoux en caoutchouc, parce qu'ils sont d'un noir, on peut facilement teindre le caoutchouc en noir, et il est d'un mat parfait, donc ça peut être du caoutchouc ou de l'ébonite, avec, en mettant plus de soufre, et on a ces bijoux, et en gros, entre 1850 et 1870, le bijou en caoutchouc est tout à fait bienvenu dans les parures de veuves, et puis après 1870, il recule nettement, puisque le caoutchouc devient de plus en plus associé plutôt à la sexualité, donc devient assez nettement indécent. On fait d'autres choses en caoutchouc. Mais donc voilà, il y a toute une petite industrie comme ça, de ces bijoux étranges, des bijoux sans éclat, qui sont autorisés socialement. Oui, et d'ailleurs, Manuel Charpie et Valérie Albac aussi, vous pouvez peut-être répondre sur cette question. On sent à travers cette question des usages du deuil, de ces deuils qui sont très longs, du fait qu'ils incombent quand même vraiment aux femmes, et puis avec tous ces bijoux, on voit qu'il y a aussi une forme de mode et de coquetterie qui se développe autour du deuil, c'est-à-dire que voilà, le noir vous va si bien, enfin on est d'une pâleur agréable, j'imagine qu'on doit prendre un air un peu alangui, enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de mises en scène et d'intérêt d'être apprêté pour le deuil. Valérie Albac, peut-être ? Oui, c'est vrai qu'il y a une projection assez érotique sur ces femmes qui sont, en plus, en portant le deuil, montrent leur disponibilité matrimoniale proche. Quoi. Elles vont revenir sur le marché matrimonial. Et il y a effectivement, enfin, on lit dans la presse, on peut être assez surpris de voir dans la presse de mode des qualificatifs de deuil ravissant, charmant. Donc la coquetterie n'est pas absente de cette période. Manuel Charpie. Oui, mais encore une fois, ça prend une telle place dans une vie, tous ces deuils, puisqu'il y a le deuil du mari ou de la femme, on l'a compris, il est moins important, mais il y a tous les parents, enfin, donc ça peut être assez récurrent. Donc effectivement, il y a tout un travail de coquetterie, et les descriptions des tissus, la qualité des tissus, les manières de les superposer, et puis on a, Valérie Albac l'a dit, mais quantité de gravures de mode qui présentent des modèles de deuil. Donc là, il y a une sorte de négociation avec l'obligation sociale. Voilà, on n'est pas pour autant... Enfin, on reste dans le social, on n'est pas dans le retrait de la vie sociale, on est complètement dans la vie sociale. C'est sans doute ce qui fonctionne d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un deuil partagé, y compris jusque dans le détail, toutes ces coquetteries. On peut quand même signaler aussi qu'il y a toute cette économie d'une mode parisienne très élégante, avec des maisons que connaît bien Valérie, des maisons de deuil spécialisées dans le deuil. Mais faut aussi se dire que dans les milieux populaires, enfin un peu partout dans la société, on a ces pratiques de deuil quand même qui se diffusent. Et qui sont souvent plus de l'ordre du bricolage, qui répond aussi à une obligation sociale. Hein. Mais voilà, je pense que les fripiers proposent très couramment de faire le deuil aussi en 24 heures, c'est-à-dire qu'en fait on vient prendre des vêtements d'autres personnes, sans doute mortes, qu'on va réadapter à son propre corps pour porter le deuil pendant quelques temps. Et puis, c'est aussi le grand moment de la teinture noire. Enfin, il y a une mutation dans la chimie du carbone à partir des années 1850 qui fait que on peut assez facilement teindre en noir, alors que c'était jusque-là assez compliqué et coûteux. On peut faire du noir grand teint, sur tous les types de vêtements. Donc on trouve par exemple chez les fripiers des uniformes militaires bricolés, retints en noir et qui vont être pour un temps des vêtements de deuil. Donc il y a toute une économie comme ça qui est de la mode, mais qui est aussi des sortes d'arrangements avec ce qu'on a comme ressources en termes de vêtements. Selon son milieu social, selon ses moyens. Oui, et d'ailleurs, ça devait être un investissement colossal, parce qu'effectivement, en 24 heures, il faut qu'on change toute sa garde-robe, qu'on ait prévu le coût pour les 6 mois ou les 2 ans à venir, en fonction du décédé. Et puis, on imagine que là aussi, ça permet de se distinguer. Qui arrive à être prêt en 24 heures à avoir toute sa garde-robe, qui n'y arrive pas, j'imagine que c'est un élément très important aussi, cette question de la classe sociale et de la fortune. Oui, et je pense que c'est encore plus fort. Alors sur la partie de la production, je laisserai Valérie répondre, elle connaît ça mieux que moi. Mais sur la distinction sociale, c'est très fort. C'est-à-dire que il y a un code collectif, il y a une sorte d'apparente uniformité. Tout le monde est habillé en noir, au moins au début, et avec les mêmes tissus. On a dit la laine noire et le tissu obligé. Évidemment, la distinction se niche dans les détails et dans les manières dont on va pouvoir porter cela. Et puis, il faut le dire aussi, si on se focalise sur la femme, et notamment sur les femmes de la bourgeoisie au sens large, c'est aussi que, ne travaillant pas, enfin étant interdite de travail, ou travaillant dans l'espace domestique uniquement, elle peut porter ce deuil pour quantité d'ouvriers, d'ouvrières, la question on s'arrange, on a un bandeau de crêpes qu'on peut attacher quelque part, mais l'idée de la toilette de deuil est quand même assez loin. En 1985, en Sicile, j'ai pris le deuil de mon père en m'habillant en noir. J'ai trouvé fantastique, non pas déprimant, d'être libérée des attentions de ces messieurs. Une autre libération extraordinaire a été de ne plus avoir à me demander, tous les matins, ce que j'allais mettre. Le noir va avec le noir, on n'a plus qu'à penser aux textures, à ce qui compte le plus pour soi. Quand la méditerranéenne jette tous ses vêtements à la lessiveuse pour les teindre en noir, elle accomplit un rite de passage. Elle renonce à un style de vie pour en adopter un autre. Elle pleure peut-être amèrement la fin de sa vie de jeune femme, mais son nouveau statut va lui procurer des privilèges. Elle va pouvoir se reposer davantage, passer plus de temps à discuter avec ses voisines. Elle pourra même s'en aller des semaines seule en pèlerinage, voyant ainsi pour la première fois le monde extérieur de ses propres yeux. Alors Valérie Halbach, là on l'a entendu, donc c'est un texte beaucoup plus contemporain, c'est un texte de German Greer de 1991. Est-ce que aussi on pourrait pas imaginer que justement dans cette vie très contrainte des femmes du 19e siècle, ce moment de deuil, c'est aussi peut-être un moment où on nous laisse un peu tranquille, c'est-à-dire que sous ces vêtements de deuil, on est endeuillé, on doit être discrète et puis on a une forme de liberté sous cet habit. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un espace de liberté. C'est à la fois une intimité qui est projetée, enfin un événement qui pourrait relever de l'intimité et qui est projeté comme ça au regard de tous. Est-ce qu'on respecte bien la règle? Les regards, on peut imaginer que les regards scrutent. S'il y a autant de questions, si la presse de mode fourmille de détails et répète inlassablement le code, c'est que sans doute il y a quand même une inquiétude de bien respecter ces règles. Puis il y a ce paradoxe un peu à la fois on demande de discrétion, mais une forme d'ostentation de son état d'endeuillé. Manuel Charpie, sur cette question justement du quant à soi, d'une certaine manière, du deuil, et puis aussi sur le fait que tout ça va évoluer, on ne devait porter que le deuil de son mari ou de ses ascendants, et puis finalement on aura bientôt le droit, il faudra aussi porter un deuil qui correspond peut-être aussi au chagrin, le deuil de ses enfants. Oui, sur cette, cette question de la liberté des veuves, justement, il y a eu beaucoup de travaux sur le statut des veuves au XVIIIe et XIXe siècle. Peut-être que finalement la liberté qu'elles ont, et qui est parfois tout à fait réelle, est plutôt du côté du privé, pour le coup, de l'espace privé, dans la gestion de la vie privée intime, une sorte de nouvelle liberté. Effectivement, je rejoindrai Valérie sur cette partie, sur cette manière d'afficher le deuil dans l'espace public, le contrôle reste très fort. Je voulais juste souligner aussi que c'est très fort au XIXe siècle. Enfin, on pense le deuil comme aujourd'hui, grâce à la psychanalyse, comme le travail du deuil. En fait, on parle de travail du deuil. Il est évident au XIXe siècle aussi, mais il y a quand même une inquiétude très forte et collective qui est la peur de l'oubli. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur du traumatisme, comme on peut l'avoir nous aujourd'hui, on a peur de l'oubli et qu'il y ait quantité de ces codifications, de ces matériaux, de ces histoires d'objets en cheveux, sur support d'ivoire, etc. De la photographie aussi. Et de la photographie, des manières dont on peut porter sur soi des photographies, etc. Tout ça est là pour conjurer l'oubli. Donc cette obligation, voilà, je pense qu'on est dans une logique presque renversée aujourd'hui. Et quand vous disiez que ça évolue, c'est cette évolution-là, je pense, qui est la plus spectaculaire. C'est-à-dire que le deuil au XXe siècle devient un travail pour en sortir. Il faut faire un travail pour en sortir. Au XIXe siècle, on est quand même, j'ai le sentiment, dans un travail pour ne pas en sortir trop vite. C'est aussi qu'on a un rapport à la mort différent dans l'expérience quotidienne. Oui, c'est-à-dire qu'on bascule finalement d'un moment où on porte un deuil qui est un deuil social, qui est un deuil de convenance, à une acceptation du chagrin, et finalement on porte sa peine. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la bascule. Oui, et clairement la psychanalyse, enfin, c'est à grands traits, mais joue un rôle. Le texte, le très beau texte qu'on vient d'entendre juste avant, le dit... La veuve ou le veuf aujourd'hui est considérée comme, enfin, sa douleur est considérée comme souveraine, dans le sens où c'est à elle, c'est à lui de décider ce qui lui fait du bien et comment il surmonte cette épreuve, et voilà. Et on ne remet pas en question cette épreuve. On le devine, au 19e siècle, dans un cadre beaucoup plus codifié, où aussi les mariages ne sont pas toujours exactement de la même nature, ne sont pas toujours des associations complètement libres et consenties. Les rapports sont différents. Donc oui, cette grande bascule est là, et je sais, peut-être qu'on en parlera, mais la guerre aussi va jouer un rôle important dans cette bascule. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, y a même Giorgio le fils maudit, avec des présents en plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit, sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. À la maman, à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir, la maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour. Bon, alors on vient d'écouter, on pouvait pas résister hein, au plaisir de Charles Aznavour, La mort de la mama. Alors, est-ce que Manuel Charpie, peut-être pour conclure cette discussion, on peut s'approcher de la question de la guerre que vous venez d'ébaucher, juste avant qu'on écoute cette chanson. Est-ce que ça change quelque chose, justement, dans la manière de porter le deuil, de vivre le deuil, ce grand deuil collectif de la Première Guerre mondiale ? Oui, alors... Pareil, Valérie, qui a travaillé là-dessus, pourrait répondre peut-être mieux que moi, mais ce qui est très net, c'est qu'il y a des pratiques qui disparaissent, en quelque sorte. On évoquait les bijoux en cheveux, par exemple, c'est sûr qu'après 14-18, c'est fini, c'est considéré comme indécent. Il y a quelque chose, évidemment, qui va compter, c'est la question des corps, de la manière dont ils sont abîmés dans la guerre, et du coup, la manière dont on va porter le deuil et se souvenir des gens change. En gros, c'est le portrait militaire, quoi, de jeune homme qui devient le support du souvenir. Et manifestement, le fait que le deuil soit d'un coup collectif à ce point-là, une expérience partagée en même temps, fait que la codification tombe en quelque sorte. C'est assez spectaculaire dans un sens. C'est-à-dire qu'on va continuer à porter le deuil. C'est complètement intégré, on va dire, dans les pratiques sociales. Mais toute cette codification, ces boutiques, etc., ça va disparaître. Il y a un exemple qui est formidable pour montrer en même temps le traumatisme, c'est le Françoise Dolto, Manon Pignot et Yann Potin ont fait un ouvrage qui s'appelle « Veuve de guerre à 7 ans » où elle se souvient, enfin ils analysent ça, elle porte le deuil de son oncle à 7 ans avec de la crêpe noire dans les cheveux, etc. et elle raconte ce qu'est cette expérience de porter le deuil. Donc, c'est à la fois un grand traumatisme collectif et individuel qui va reconfigurer les codes. Merci beaucoup à tous les deux, Valérie Albach, Emmanuel Charpie. On retrouve évidemment tous vos articles et vos livres sur le site de l'émission. Alors, comment porter le deuil ? C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui. Demain, dans le cours de l'histoire, on continue d'explorer notre rapport à la mort et on s'attaque à la question de la représentation de la mort dans les périodes de deuil collectif, donc la guerre qu'on vient d'évoquer et la peste. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Perrine. Bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, Anaïs, au sommaire du journal de l'histoire, réparer l'esclavage. Les débats sont en cours, mais sur les méthodes aussi. Au Musée national du Danemark à Copenhague, au lieu du patrimoine danois, on pouvait encore voir récemment une vidéo de l'ancien maire de la ville qui nous accueillait à l'entrée des salles consacrées aux anciennes colonies, au ton tout à fait déroutant. Après nous avoir invités à admirer les beautés de la ville millénaire que l'on n'avait pas manqué de sillonner pour se rendre au musée, l'élu coupait court à notre contemplation ébahie devant les images très avantageuses de la ville historique pour nous dire de mémoire « Eh bien tout cela a été financé par l'esclavage ». Sans aucune précaution rhétorique, l'élu déchirait la carte postale touristique et nommait l'exploitation et la soumission mises en œuvre au profit du visage actuel d'une des plus grandes capitales européennes. S'il est question ici de l'origine de l'argent employé pour déployer le faste de l'Empire danois, aux États-Unis, ce sont les infrastructures mêmes de l'économie qui sont pointées du doigt pour justifier les revendications de réparation financière de l'esclavage. Les villes américaines, d'Atlanta à New York, utilisent toujours des bâtiments, des routes, des ports et des lignes de chemin de fer construits par des esclaves. Joshua Inwood et Anna Livia Brand nous livraient en février un résumé de leurs recherches à ce sujet dans la revue en ligne The Conversation. Le système esclavagiste ne subsiste pas seulement à l'état de traces résiduelles dans le paysage physique et économique nord-américain, il a légué des infrastructures encore déterminantes aujourd'hui, avec un chiffre massu. Sur la ligne qui dessert Atlanta en Géorgie, ce sont 198 milliards de dollars en produits agricoles et en matières premières nécessaires à l'industrie qui ont transité au cours de l'année 2012 à travers le Midwest. Ce sont d'ailleurs ces voies ferrées qui ont donné naissance à cette ville, une fois son site connecté au reste du continent. Les lignes de chemin de fer y avaient une importance vitale pour les plantations installées à l'intérieur des terres, pour se relier au port et franchir les reliefs, les marais, les montagnes et les rivières, qui les séparaient du marché où elles écoulaient leurs produits, à commencer par le coton, cultivé et récolté par une main-d'œuvre contrainte. Where's my 40 acres and a mule? Where's my 40 acres and a mule? Where's my 40 acres and a mule? Where's my 40 acres? Joshua Inwood et Anna Livia Brand invitent dans le survol des résultats de leur enquête à repenser la forme que pourraient prendre les réparations. S'ils avouent leur incapacité à calculer précisément et totalement l'impact économique de l'esclavage dans le monde contemporain, ils encouragent à envisager des réparations qui influent directement sur l'ordinaire en investissant dans les programmes de construction de logements et de soutien économique aux infrastructures, mais des infrastructures qui conditionneraient la vie au présent. Des discussions et des débats sur l'héritage du système esclavagiste dans nos sociétés contemporaines, qui ne devraient pas manquer dans les prochaines semaines, puisque la Fondation pour la mémoire de l'esclavage vient tout juste de lancer le Mois des mémoires, une série d'événements commémoratifs qui s'étend du 10 mai, date à laquelle on célèbre cette année le 20e anniversaire de la loi Taubira, jusqu'au mois de juin où l'on commémore l'abolition de l'esclavage en Guyane, sans oublier pour un mois tout à fait extensif, Saint-Barthélemy en novembre et la Réunion en décembre, un programme à suivre. La mort et nous, c'est le programme de cette semaine. Le cours de l'histoire sur France Culture réalisé par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Odile Jouessel et Juliette Corbel-Vivas. La programmation est assurée par Maïwenn Guizhou et les pages, c'est Nicolas Berling. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et demain, on a rendez-vous avec l'art au temps de la peste et de la Grande Guerre.